histoire particulière. Ça y est, nous avons basculé dans la nouvelle année que je vous souhaite succulente, constructive, positive, remplie de découvertes de toutes sortes. Bref, une très bonne année en compagnie d'une histoire particulière. Commencer une nouvelle année, c'est faire la sempiternelle liste de bonnes résolutions que l'on ne tient jamais, ou alors pas longtemps. En haut de la liste, entrons dans le vif du sujet et le gras de la dinde. Allez, faisons du sport. En selle, tout de suite, nous allons brûler nos calories mal gagnées, transformer notre cholestérol, remuer nos fesses et respirer à plein poumon. Nous serons accompagnés par deux coachs qui vont nous emmener en balade, en agréable et saine compagnie. Allez, inspirez, expirez, c'est parti. Une vie à vélo, un documentaire de France Joly, réalisé par Thomas Beau. Et là, on arrive vraiment à 1 km de chez moi. Maintenant, c'est plus qu'un faux plat descendant jusque chez mes parents. C'est vraiment là où j'en profite pour me relaxer en fin de sortie. Une belle vue sur la campagne environnante et la Suisse normande au loin. La Suisse normande qui est donc l'appellation de cette région particulière de Normandie qui ressemblerait un peu à la Suisse. Et en plus là on est à la sortie de l'automne, le début de l'hiver. On a encore un peu les feuilles d'automne qui sont pas encore toutes tombées. Première partie, Guillaume, le corps en tête. Et on arrive maintenant dans la dernière ligne droite, vraiment là. Le petit chemin presque qui mène à la Baudrie, là on est. C'est là où je faisais un dernier sprint lors de mes débuts cyclistes, ce qui n'était pas très malin parce que ensuite on m'a appris qu'il fallait plutôt faire justement un retour au calme avant de rentrer, de pas finir avec des toxines plein les jambes. Et on arrive peu à peu sur les différents bâtiments de la Baudrie, en premier lieu un ancien pressoir. Alors là, le terrain est très boueux, gras. On voit des travaux toujours. Mini tractopelle, bien utile pour ces fameux travaux. Guillaume Martin, 1m74, 55 kg, cycliste professionnel, titulaire d'un master de philosophie sur Nietzsche, leader de l'équipe belge Wanted Group Gobert. Retour vers l'enfance, où comment Guillaume, élevé en plein air, alla va comme je te pousse parmi les ânes, les chats et les chiens, en pleine campagne, dans un manoir, la Baudrie, a développé son esprit de compétition jusqu'à la consécration finale, son premier Tour de France. Je suis arrivé à l'âge de 1 an à peu près ici, donc autant dire que je n'ai aucun souvenir de Paris et que je me considère comme normand et Orné plus précisément. Et donc voilà, tous mes souvenirs d'enfance sont ici. Là, on est dans la cour privée et on voit une sorte de rond-point naturel. Et mes premiers tours de vélo, c'est justement avec un tout petit vélo où je me rappelle, je faisais des tours, des courses de ce tout petit rond-point, un peu comme si je faisais de la piste avec mon frère, Pierre. Et alors après, justement, il y a les deux cours, et donc l'ensemble des deux cours fait aussi un ensemble où on peut faire un plus grand tour, qui doit faire 300-400 mètres. Et donc là aussi, je faisais des tours à vélo, où je me chronométrais. Dès le départ, le vélo a été associé à la compétition. Et c'était en moi, mais je pense que mon père me l'a aussi pas mal transmis, parce que lui aussi a un fort instinct de compétition. Et donc ces tours à vélo, je les faisais parfois avec lui. Et on avait notamment une course qu'on s'était inventée, qui s'appelait l'Enfer de la Baudrie, en hommage à l'Enfer du Nord, donc la course mythique Paris-Roubaix. Et donc, tous les ans au printemps, à peu près, au moment de Paris-Roubaix, on faisait une course entre nous. Alors au début, évidemment, il me laissait gagner. Ensuite, on rivalisait un peu plus. Et puis, peut-être qu'à la fin, c'était moi qui le laissais gagner. Dès tout petit, il ne faisait rien sans son chronomètre, quoi. Bon, la boîte aux lettres est là, donc à 50 mètres de la maison. Eh bien, quand il partait chercher le courrier, il me disait « tu me chronomètres ». Alors, 27 secondes, il dit « demain, je le ferai en 26 ». Mais il avait 4 ans, 5 ans. Daniel, et puis, le père de Guillaume. Le sport est arrivé, mais le sport, tout était prétexte quoi, à performance. Et donc, le premier vélo est arrivé. Il est parti dans le chemin là, avec les petites roulettes. Il a fait 50 mètres. Il est revenu. Il m'a dit « j'ai pas besoin des roulettes hein. ». On a enlevé les roulettes. Et puis, inlassablement, il a tourné là, dans les deux courses. C'est-à-dire, il s'est fait son petit circuit. Toujours pareil. Moi, je devais être chronométré. Et puis après, il a fait en sorte que j'ai un vélo un petit peu comme lui, un VTT, pour que je sois le concurrent. Alors, au début, j'étais le concurrent... conciliant, parce que bon, j'allais forcément plus vite que lui avec mes grandes roues. Et puis très vite, je me suis aperçu que le concurrent du conciliant commençait à peiner. Et donc, il était tout heureux et puis il créait des événements. Quoi. J'ai connu un petit gars qui ne ménageait pas sa peine et ses efforts pour devenir très fort, faisant de la gymnastique, de la culture physique, de rugby, de football, de basket, du handball. Il y gagna du souple et de bons muscles souples, à tous ses petits copains pouvaient rendre des points. Il glanait les succès, déjà la gloire lui souriait. Mais. Je tenais compagnie aussi à mon père qui faisait les travaux. Et là aussi toujours la compétition et on s'inventait des histoires, c'était les frères Pétochine. Et je le fais encore, à mon âge, à bientôt 70 ans, on avait des concurrents. C'est-à-dire que si on montait un mur, il y avait des Russes ou des Mexicains qui étaient là à côté et il y avait notamment des Russes, les frères Pétochine, et qui effectivement a souvent été devant nous. Et donc, quand je voyais qu'il y a la fatigue gagnée et puis qu'on en avait un petit peu marre tous les deux, je disais « Guillaume, là, on n'a pas le choix. Ils ont 3 minutes d'avance, il faut vraiment qu'on en mette un coup. » Et à la fin, il était là tout tendu, il me disait « Alors ?» Je dis « On les a battus de 20 secondes. On m'en fera mieux demain. » Oui. Bruno Le Pape, c'est quelqu'un d'important dans la carrière, plus que la carrière, je crois, de Guillaume. Moi, je suis très attaché aux rencontres. Je pense qu'on a tous la chance, comme ça, de quelqu'un traverse votre vie. Alors, faut savoir s'apercevoir qu'il y a quelqu'un là. Hein. Moi. Le sport étude, forcément, voyant que le garçon, il avait 14 ans, avait un an d'avance au niveau de ses études, et apparemment, il avait l'air brillant en vélo, quoi. Et un mercredi après-midi, à l'époque, je pouvais encore suivre Guillaume, enfin, tant bien que mal, et oui, il avait à peine 14 ans, et on roulait là, sur les routes là, de la région. Et d'un coup, je lui dis, attends, t'as vu, c'est le sport étude de Flair, là. Et c'était une vingtaine de coureurs. Et cette voiture derrière, avec ce monsieur assez imposant au volant. Et je le dépasse. Et j'avais entendu qu'il s'appelait Monsieur Le Pape. Et je dis, bonjour, Monsieur Le Pape. Il me regardait, c'est que ce mec sur son vélo. Et puis, le petit gamin, donc. Et j'arrive au milieu du peloton de ces jeunes gens qui ont 17, 18 ans. Et je dis, ça roule pas. C'est un terme cycliste, vous n'allez pas assez vite. Ça roule pas. Et je me fais le cacou. Et le petit Guillaume, il prend ma roue et puis pouf, pouf, pouf. Et il y en a un des forts du sport-études qui était vexé et qui a été... Eh ben, il a jamais réussi à lâcher le Guillaume. Et ce qui fait que... après, je dis à Marie, peut-être le sport-études, ce serait peut-être pas mal. Guillaume disait rien. Bon. Et puis, on va le rencontrer. Et donc, on a été le voir. En sortant, Marie m'a dit, c'est vraiment, on peut lui confier notre fils, ça va être superbe. Voilà. Et au niveau des études, la preuve, ça s'est très bien passé aussi. C'est très bien entendu, surtout avec les profs de lettres. Sinon, c'est un réfractaire. Hein. Attention, hein, Guillaume. Et il contestait beaucoup au lycée. Hein. C'était pas quelqu'un de facile. Hein. Mais bon, avec Bruno, ça a été génial. Quoi. Oui. On sait que pour être sportif de haut niveau, il faut avoir un caractère bien trempé. Bruno Le Pape, premier entraîneur de Guillaume, section sport et études. Des fois, il est un peu piquant. Avec moi, avec son papa beaucoup des fois, et sa qualité la plus importante, et je l'ai décelé très très jeune, je l'ai toujours dit, tout le monde l'a assez vite catalogué de grimpeur, déjà son gabarit fait que, mais il a aussi une double qualité, je dirais, par rapport à ce petit gabarit de grimpeur, c'est sa vitesse de jambes. Il a une cadence de pédalage, quand il était avec moi dans les années cadet junior, de l'ordre de 120-124 tours minute. Maintenant chez les pros, il est encore à 112-114 tours minute, ce qui est énorme, ce que peu de gens et peu de grimpeurs arrivent à faire, ce qui fait que ça puise moins au niveau de la force et de la fibre musculaire, donc il a une récupération un peu meilleure, due à cette cadence de pédalage. Mais je crois que son gros point force, c'est vraiment la récupération. Quand il était avec moi en junior, des courses à étapes de 2-3 jours, le troisième jour, tout le monde est dans le dur, parce qu'ils ont tapé dedans le premier, le deuxième jour. Lui, il était presque de mieux en mieux au fil des jours. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est les courses à étapes et le Tour de France. On m'a déjà posé la question, si j'étais très surpris de sa performance. Agréablement surpris, oui, parce que c'est son premier Tour de France. Un peu dans le dur la troisième semaine, il n'avait jamais fait ça. Mais ses qualités de récupération sont énormes. Faire le Tour de France, c'est le rêve de tous ceux qui ont un vélo. La seule espérance du titi, de la fête et du mécano. Faire le Tour de France, arriver à Paris en vainqueur. Être sacré roi des pédaleurs. Faire le Tour de France. Moi, j'ai été son directeur sportif, en plus de son entraîneur, j'ai été son directeur sportif dans les années juniors, y compris les années où il commençait au niveau international avec l'équipe de France. Et quand vous, au briefing, vous donnez des explications, des tactiques de course, voilà, les gens mettent un temps à comprendre, à assimiler. Guillaume, c'est du tac au tac, quoi. Il pose des questions. Alors, c'est sûr que ça peut déranger, parce que vous dites un mot. Guillaume, ayant fait un bac littéraire, ayant fait bac plus 5 en philo, Guillaume, au niveau écriture, littérature, il connaît tous les mots. Voilà. Donc, vous employez un mot pour un autre, lui, il vous dit, j'ai pas compris. Ça veut pas dire ça. Donc, ça fait partie des choses aussi, peut-être, pour lesquelles... Moi, je suis prof, au départ. Donc, ça fait peut-être partie aussi des critères pour lesquels on s'est très bien entendu. Et en effet, j'ai l'impression que, comme le disait Bruno, il y a du vent de face. Mais ça va, il n'est pas trop fort. Notre image de réussite, c'est Guillaume, quoi. Sport et études, il a vraiment réussi dans les deux domaines, quoi. Donc, c'est super, ce qu'il réalise, c'est superbe. La route se redresse un peu et donc moi ma vitesse ralentit d'autant et le vent ne se fait moins sentir. Mais s'il y a un camion qui passe et donc je peux reprendre ce que je disais, à savoir à quoi je pense sur le vélo et comment je m'occupe sur le vélo. Et moi j'aime écouter la radio sur le vélo et on ne se refait pas, j'ai fait des études de philosophie donc... J'écoute très régulièrement les chemins de la philosophie sur le vélo. C'est assez original de faire ça, mais c'est pas toujours non, totalement évident de suivre de bout en bout l'émission, parce que quand on arrive en descente, on n'entend plus rien. Et puis aussi, moi, quand j'arrive en côte ou que j'ai un exercice à faire, par exemple, l'effort devient plus intense et... C'est moi qui ai un peu plus de mal à me concentrer sur ce qui est dit, donc mais c'est quelque chose qui m'accompagne régulièrement sur le vélo. 350 jours par an, quand je me réveille le matin, j'ai des petits fourmillements dans les jambes, c'est un peu les toxines qui se réveillent, qui ne sont pas totalement éliminées de la veille. Et donc il y a déjà cette petite douleur, c'est aussi une fatigue qui nous accompagne tout le temps. Sur le vélo, évidemment, il y a aussi une souffrance, beaucoup plus simplement une souffrance de l'effort. Et ce qui est très paradoxal, c'est qu'on continue à faire du sport et même on aime ça. Beaucoup disent qu'il y a une part de sadomasochisme dans le, dans le vélo parce que, en effet, cette souffrance, on l'apprivoise et puis on va même la chercher. Pour moi, je dirais plutôt que c'est peut-être un retour justement à une animalité première qu'on oublie peut-être trop souvent dans nos sociétés où l'esprit est beaucoup sollicité et le corps beaucoup moins. Et donc le sport permet en tout cas évidemment de revenir au corps, à cette chose quand même qui est selon moi première. Et après, bon, si on peut parler un tout petit peu d'un philosophe qui m'a beaucoup marqué dans mon parcours, c'est Nietzsche, où justement il y a aussi toute une thématique de la souffrance chez Nietzsche et d'une souffrance qu'il faut justement aller chercher, qu'il faut vouloir. C'est même plus que l'accepter, il faut la vouloir. C'est ça son concept de l'éternel retour, c'est ou de la mort fatis, c'est vouloir que la vie revienne un nombre infini de fois et vouloir qu'elle revienne avec ses plaisirs mais également avec ses peines et ses douleurs. Et donc moi dans le cyclisme j'expérimente réellement cette pensée de l'éternel retour en finalement recherchant la souffrance. Alors il y a souffrance mais il y a aussi la violence. Oui, il y a violence alors en différents sens. En effet, il y a déjà la violence de la chute, par exemple. Là, c'est une violence physique et subie. Et là, je la caractériserais plutôt comme risque. Et le cycliste est sans cesse sur une falaise au bord de ce risque. Qu'est la chute qui peut être plus ou moins grave, mais qui peut être parfois très grave. Mais bon, en même temps, ce risque, c'est aussi quelque chose, paradoxalement, qu'on recherche et auquel on trouve du plaisir. Le fait de se mêler à un sprint, même moi en tant que non-sprinteur, c'est quelque chose que j'aime parce qu'il y a cette adrénaline qui est déclenchée. Après, la violence du milieu. Oui, c'est sûr que c'est un milieu où il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, où on a des contrats sur un an, deux ans, donc il y a une forme de précarité sociale aussi, même si on peut gagner, pour certains, beaucoup d'argent. Mais du coup, oui, il y a toujours cette... là aussi, ce risque que ça s'arrête du jour au lendemain, et cette violence où... qu'un jour un manager puisse vous dire ben, je veux plus de toi, ou alors tout simplement sur une course, voilà, il y a toujours une course à la sélection. Si on fait le Tour de France, un effectif c'est une vingtaine, 20-30 coureurs, il n'y en a que 8-9 qui font le Tour de France, donc il y a aussi une concurrence aussi entre les coureurs, et donc ça c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte. Bah, c'est vrai que c'est un milieu difficile à tout point de vue, parce que, au niveau physique, parce qu'au niveau effort, c'est quelque chose. Il y a des volumes d'entraînement, hein. Guillaume, sur une saison, c'est près de 30 000 ou même un peu plus de 30 000 kilomètres par an, donc c'est ce qui est énorme. C'est des contraintes familiales, hein. Avec Émilie, son amie, c'est pas simple du tout, puisque c'est près de 200, 250 jours partis dans l'année, donc, c'est ça, le milieu professionnel, c'est ça. Je vous avoue que j'avais une petite appréhension il y a 2 ans quand il est passé pro, parce que est-ce que ça va le faire pour lui ? Puis finalement, il s'est très bien adapté. Il y a aussi des moments de représentation dans le milieu professionnel. On représente une marque, on représente une équipe, donc il y a des moments où il faut faire de la représentation. Guillaume, c'était pas bien son point fort au début. J'avais peur que ça coince un petit peu. Et puis finalement, il s'est mis dans le moule et ça se passe relativement bien. Mais c'est vrai que entre le système Adams, là, qui les géolocalise pour le contrôle antidopage, entre les entraînements, entre les déplacements, entre les compétitions, c'est un monde à part. C'est une vie à part. C'est une vie de coureur cycliste professionnel. Je pense qu'il s'y est très très bien adapté. J'étais un peu réticent, hein, je vous cache pas, j'étais un peu réticent sur ce. C'était le point de sa carrière qui me faisait un peu peur. Et puis. Comme quoi Guillaume a des grosses capacités d'adaptation dans tous les domaines. Par ailleurs, c'est vrai que tout petit déjà, à son entrée au collège, sa prof de français demande, comme sans doute tous les ans, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ? Et là, il lui a répondu, je serai écrivain. Marie, la mère de Guillaume. Enfin, ce qu'il est maintenant, c'était vraiment là, avec le corps et l'intellect. Après, c'est sûr que avec notre profil, enfin Daniel effectivement enseigne l'aïkido. Moi, je viens je suis dans le théâtre, donc il y avait ça dans la famille. Mais c'est aussi ce qu'il raconte, je crois, dans son mémoire. Je pense que c'est ce qu'il raconte aussi dans le spectacle là que je vais monter, Platon versus Platoche, qui est vraiment que le corps et l'intellect sont une seule chose, et d'ailleurs ça c'est vraiment une chose où moi je suis profondément convaincue, et lui je crois qu'il le vit, c'est vraiment, et qu'il l'a toujours vécu. Platon Platoche, c'est donc une pièce de théâtre qu'il a écrite et que vous allez monter. Oui, c'est l'histoire de... le personnage central c'est Platon, le philosophe antique, qui est tiraillé comme ça justement entre... s'isoler parmi les happy few et donner son savoir aux élus, ou alors être dans la cité et dans l'action. En fait, je pense pas toujours à quelque chose sur le vélo. Ça m'arrive très souvent de ne penser à rien. Et c'est peut-être justement ce que beaucoup de gens cherchent en faisant du sport, c'est-à-dire de plus penser à rien, de décompresser. Des sports que... tels que le vélo, les sports d'endurance, mais la natation, je pense que c'est aussi le cas. Ça permet de se vider l'esprit et de simplement être dans l'instant, profiter des paysages, être pleinement dans la dépense physique, plus être totalement dans l'analyse ou dans la réflexion. Alors, je dis pas que je suis toujours dans cet état-là, mais parfois je me surprends à faire une heure de sortie sans finalement ne penser à rien. J'ai comme si j'étais ailleurs, ou au bout d'une heure, donc à peu près une trentaine de kilomètres, comme si je me réveillais et je me dis tiens. Je suis là, une heure s'est passée, j'ai suivi le parcours que je m'étais fixé, donc j'étais en un sens conscient, mais en même temps aussi inconscient, et dans une sorte d'état semi-extatique. Mais j'aimais mieux avant, quoi. J'aimais mieux quand il était cadet, junior, que c'est moi qui l'emmenais, que je lui concoctais à l'intersaison un nouveau vélo. Mais il m'échappe parce que pour lui, c'est un métier. Hein. Donc, il n'est pas censé me raconter son métier. Et je suis très frustré parce que quand il rentre, je dis par exemple, il a gagné cette grande course en Toscane devant les Italiens. Donc moi, quel bonheur, là, tout autour, on ne parlait que de ça. Quoi. Tous les copains, clubs, les supporters, tout, on ne parlait que de ça. Il arrive et il raconte pratiquement rien, quoi, de là-dessus. Il a battu le grand Nibali, quoi, tu vois, comme autrefois quelqu'un qui battait Fausto Coppi. Là, il a battu Nibali, le vainqueur du Tour d'Italie, du Tour de France. Tout, il l'a lâché. Donc on voulait des anecdotes. On voulait, enfin, moi en tant que père, le soir dans la cuisine, forcément, dès qu'il est arrivé, je lui ai demandé, raconte-moi. Qu'est-ce que je te raconte ? J'ai gagné, voilà, c'était bien. Donc voilà, je suis un petit peu frustré, alors que lorsqu'il était junior ou cadet, surtout cadet, minime, je l'emmenais. Il y avait une connivence entre nous. Et puis à l'arrivée, il me racontait sa course. Alors, puis quand on revenait, il me racontait plein de trucs. On avait plein de... S'il gagnait une prime, alors à l'époque c'était des petites primes, 5 euros. On avait des codes, on passait... On va faire un détour pour revenir de Saint-Hilaire-du-Harcouët, là, à 50 kilomètres. On va passer par tel village. Il y a une bonne pâtisserie, papa. Avec les 5 euros, je vais te payer un flan. Ma prime. Voilà. Bon, maintenant, il ne fait pas de détour pour m'acheter un flan. Il m'a échappé un peu, quoi. Le Tour de France, bien sûr, ce sont des émotions, ce sont des coureurs. C'est tous les étés, le mois de juillet, l'événement sportif majeur, l'événement qui nous transcende tous depuis des années. Mais sans les coureurs du Tour de France, l'événement ne serait pas ce qu'il est. Est-ce que vous êtes prêts pour accueillir les superstars du Tour de France, les coureurs de la Grande Boucle. Alors là, j'ai voilà, ça fait 2 ans que je suis pro, tout se passe très bien pour l'instant. Notamment cette année, j'ai participé à mon premier Tour de France, j'ai terminé 3e d'une étape, 23e du général, meilleur jeune français, donc c'est vraiment une très belle performance pour un premier tour. J'ai remporté 5 victoires professionnelles cette année, donc j'espère continuer sur la même voie, continuer à gagner des courses. L'objectif suprême serait évidemment, pourquoi pas, une victoire d'étape au Tour de France. Voilà, mesdames et messieurs, rendez-vous donc le 7 juillet prochain, Noirmoutier en Lille, pour vivre les aventures des superstars des temps modernes, les coureurs cyclistes. En fait, on l'avait suivi sur le Tour d'Angleterre la saison précédente, ou sur 5 jours, avec Daniel. Mais on s'est rendu compte, pendant 5 jours, en fait, on n'a fait que de la bagnole. Une fois de plus, on courait après lui. Et pour le Tour de France, on s'est dit, on ne va pas partir 3 semaines comme ça. En plus, justement, comme c'était son premier Tour de France, on ne voulait pas du tout l'enquiquiner, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas du tout lui mettre une pression à être là. Enfin, c'était vraiment son histoire. Et je pense que c'était bien qu'il soit vraiment pleinement dans son histoire. Autrement, on l'a suivi à la télé. Et c'est vrai que, par moments, je me souviens aussi, ça c'était drôle, mais j'étais vraiment comme une espèce de lionne en cage. C'est-à-dire que quand effectivement il a fait des choses un peu fortes, comme cette 3e étape des Rousses et tout ça, je vraiment sur mon canapé, là, je me levais, je marchais. Voilà, oui, forcément. C'est assez magique quand même de savoir que son fils est dans cette histoire, le Tour de France. Et on va entamer une petite montée pour sortir de la ville. Donc, peut-être que je parlerai un peu moins parce que je vais garder mon souffle pour effectuer cette montée. Sur le chemin parcouru, il y a déjà un gros bout de route de gravier. 2/3 de chemin parcouru, 1/3 de chemin qu'il reste à parcourir. Sachant que quand on arrive au haut niveau comme Guillaume, les 1/3 c'est exponentiel. C'est-à-dire qu'à chaque petit bout gravi, eh ben, c'est pas multiplié par 2, c'est multiplié par X. Pour moi, un parcours, on part pas de rien et on n'arrive pas à un endroit où ça y est, tout est fini, on est comblé. Maintenant, ça ne dépend pas que de Guillaume, ça va dépendre aussi de son équipe. Je crois que les petits points faibles qu'on a pu voir cette année, par exemple sur le Tour de France, c'est qu'il lui faut un entourage plus conséquent. Quand il arrivait au pied de la dernière ascension, par exemple, avec les Froome, Contador et compagnie, ben, il était tout seul. Alors que tous les gros leaders, sachant qu'il était quand même leader de son équipe, hein, tous les gros leaders avaient encore 2, 3, voire 4 équipiers comme la Sky. Guillaume était tout seul. Donc il y a un moment, pour gravir ses échelons, il faudra qu'il ait 1, 2 équipiers qui vont l'accompagner plus longtemps. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est le chemin en lui-même et ce chemin, peu importe d'où il part et où il mène. Donc cette côte, je l'imagine très bien avec des lacets par exemple, et on voit pas très bien d'où ça part. Peut-être on part de la forêt, et puis au loin aussi on se perd dans les cimes, mais on ne voit pas non plus totalement le sommet. Une vie à vélo, première partie, Guillaume, le corps en tête, un documentaire de France Joly, réalisé par Thomas Beau. Je vais arrêter de parler parce que là c'est une descente et je pense qu'on va rien entendre. Oui, oui, oui, oui, oui. Merci à Guillaume, à Daniel Martin, à Marie Guyonnet et à Bruno Lepape. À suivre, la deuxième partie. Jeannie Longo, une vie devant elle. Oui, à suivre demain, dimanche 7 janvier, le second épisode. Ce sera à 13h30.